Mes amis, vous le savez, c'est bientôt la fin de la Starac. Alors, qui sera la grognasse qui affrontera en finale Greg le pulmonaire, qui en demi-finale a éliminé Mathieu, plus doué que lui, mais moins fauderche, Lucie la manouche, ou bien Oda la bossue au bec de lièvre? Quoi qu'il en soit, on m'a demandé d'aller au château pour motiver les troupes. Wouhou. Ça pète. Salut Helmut, je suis super content de te voir, ça fait longtemps que j'ai envie de te rencontrer. Oh. Quoi? Il va se calmer, Greg le pulmonaire. Oh, tu te moques de moi? Oh, mais non, je te rends hommage, la fiotte. Ah oh, bah, je préfère. Bon, elles sont où les deux morues? Hey, c'est mes copines, alors respect. Ferme-la la pédale, je te castre. Ah, mais les voilà, les poufs. Salut les glues. Allez, asseyez-vous, on va causer. Vous le savez, une d'entre vous va affronter en finale Greg le pulmonaire, et l'autre va rentrer chez elle pour reprendre le cours de sa vie de merde qu'elle avait avant. Je tiens toutefois à dire à celle qui ira en finale, pas de quoi chanter Ramona pour autant. Comme TF1 et Andemol ont déjà décidé que c'était Greg qui devait gagner cette année, le retour à la vie pourrie est également au menu pour son adversaire. Alors, comment rebondir après la Starac? Lucie la manouche, tu as 17 ans. Tu n'es pas encore complètement formée. Ça devrait aller pour ta reconversion. Normalement, tu devrais être accepté dans un bordel de la Côte d'Azur et faire la joie des producteurs bourrés et libidineux pendant le festival de Cannes. Le problème, ça va être pour toi, Oda. Tu as 25 ans, tu es déjà pas mal déformé. Et à part les boulevards extérieurs de Paris, et encore, en pleine nuit, loin des réverbères, je vois pas où tu pourras dire le client. Bon, en tout cas, ce que j'ai à vous dire, et à vous conseiller, les filles, c'est de bien profiter des derniers jours de la vie au château. À mon avis, c'est la dernière fois que vous aurez l'occasion de mettre les pieds dans ce genre de propriété. Allez, on garde le moral, et on donne tout, hein. Et même si ça sert à rien, salut. Et voilà, mon Christophe. Ah, tu les as briefés, hein. Ah, je crois qu'elles sont remontées à bloc, là, hein. Y a pas à dire. J'essaie de trouver les mots, moi. Allez, au revoir.